Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 3 mai 2022 et c'est l'épisode 274. Snap nous a surpris avec un nouvel appareil. Hein. C'est un petit drone, imaginez-vous, tout jaune, tout mignon, pour faire les plus beaux selfies du monde, ou presque, et les diffuser à vos amis sur Snapchat. On a du nouveau également au sujet du rachat de Twitter par Elon Musk, hein, et ça se confirme, on va pas s'ennuyer à ce sujet. Nous avons aussi plein d'infos sur les crypto-monnaies, quelques infos autour des résultats financiers des entreprises, de la tech, c'est la saison, et même des infos autour des jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à la tech, ce que le petit fantôme est à Snapchat, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Exactement, le petit fantôme de Snapchat, et là du coup je suis un petit peu court, parce que comme j'ai jamais utilisé, je sais même pas, c'est parce que Casper. Ça disparaît, c'est ça? Non, mais c'est parce que c'était des trucs éphémères. C'est emblématique, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, il est emblématique, c'est d'accord, l'icône, tu vois. Ouais. Il y a toujours l'icône du petit fantôme sur l'icône en stylisé. Puis il est un peu partout, tu sais, quand tu rafraîchis la liste des conversations, il apparaît comme ça, subrepticement, et tire la langue. C'est ça, c'est exactement moi. J'apparais comme ça toutes les semaines, et puis après, je disparais. Tu vois, ça va bien en fait. Bon, au passage, je vois régulièrement des nouvelles personnes qui viennent soutenir Tech Café sur Patreon. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, bah forcément, ça fait très plaisir. D'autant que régulièrement, il y en a d'autres hein, qui choisissent aussi, et c'est bien légitime, de suspendre leur participation, soit temporairement, soit définitivement. Bon, bah, je me dois en tout cas donc de vous rappeler que Tech Café est soutenu par ses auditeurs. Et si tous les épisodes du podcast, y compris les épisodes de Tech Café Weekend, restent accessibles à tous gratuitement, vous pouvez choisir de participer à la hauteur du prix d'une bière chaque mois. Franchement, c'est quoi entre nous aujourd'hui, une bière? C'est rien pour nous rémunérer dans notre travail. Et puis, bah pour cela, évidemment, c'est extrêmement simple. Il suffit de vous créer un compte en allant sur l'adresse patreon.com/techcafe, T-E-C-H-C-A-F-E. Franchement, ça prend vraiment quelques secondes, quelques minutes. Vous profiterez même en échange du podcast sans la pub. Vous pouvez même tester pendant un mois et résilier quand vous voulez. Et tenez-vous bien, la légende dit même que ça rendrait plus beau. Hein, je le dis même de l'aveu même des soutiens actuels d'ailleurs, il se reconnaîtra. Allez, rendez-vous sur patreon.com/techcafe. Merci particulièrement à ces formidables patrons, patrons comme disent les Américains, Jean-Marie Omassel, Frédéric Face, N20 Cyber, Medralic et Obuf. On a également Guillaume, avant qu'on aborde les news de cet épisode, un avis sur Apple Podcast qui a été déposé par Mamas Premier. Il a dit que Tech Café était pour lui le meilleur podcast tech. Il dit, j'ai découvert Tech Café. Ah, tiens, il va y avoir, tu vois, je vais avoir une petite interro pour toi, Guillaume. J'ai découvert Tech Café il y a quelques semaines et j'attends maintenant chaque semaine le nouvel épisode avec impatience. L'information est riche et sourcée. Les explications d'une clarté diaphane. C'est un réel plaisir de vous écouter épisode après épisode. Bravo et merci pour le travail fourni. Longue vie à Tech Café. Guillaume, que veut dire selon toi diaphane? Est-ce que tu connaissais diaphane, le mot? Oui, c'est transparent, comme une robe diaphane. Mais je savais c'est pas une robe du qui tout. Est semi-transparente, un petit peu. Pas tout à fait, mais un petit peu, tu vois, un peu au travers. Un peu affriolant. Écoute, en tout cas, bah, merci pour l'éclairage. Merci à toi. Merci, Mamas Premier, de me faire découvrir ce mot. Et puis, de votre côté, si vous laissez un avis sur Apple Podcast dès maintenant, il y a fort à parier hein, qu'on pourra le lire dans le prochain épisode parce qu'on a lu et on a relayé tous les avis Apple Podcast de tous les pays du monde entier pour Tech Café. Donc, c'est à votre tour maintenant. Allez, sans autre forme de procès, on a donc nos news. Et puis, je le disais un petit peu en intro, effectivement, le truc a un petit peu surpris parce qu'on ne l'avait pas forcément vu venir ces dernières heures, voire même ces derniers temps, et pourtant on aurait pu y penser, c'est l'arrivée d'un petit appareil assez incongru qui ressemblerait presque à un jouet mais qui n'en est pas un, ne serait-ce que par son prix. Il s'agit peut-être du drone le plus compact que j'ai vu, bah, en tout cas dans cette gamme de prix et dans cette intention-là, depuis très longtemps. Guillaume, décris-nous de quoi s'agit-il ce petit Pixie là. Ben ouais, c'est vrai qu'on va parler des Snap, une boîte qu'on n'évoque pas forcément aussi souvent déjà, et en plus on va parler de matériel Snap, ce qui est sans doute encore plus rare, même si c'est pas inédit, hein, puisque la marque avait déjà lancé les Spectacles, hein, ces lunettes vidéo qui se sophistiquent progressivement comme ça au fil des versions. Et là on peut dire qu'ils surprennent leur monde parce qu'ils lancent un drone photo. Alors ils le font décoller tout simplement hein, de la paume de la main, pas besoin d'être aussi brutal, ils le lancent pas, c'est pas la peine. Le Pixie, c'est un objet... Frisbee, quoi. Le Pixie, ouais, il est mignon, ça, c'est comme nom quand même. Le Pixie, c'est un objet intéressant quand même. Snap le considère comme un appareil photo, du coup, et la boîte, se considérant elle-même comme, comme une boîte de photos, avec la photo étant son cœur de métier, tout est cohérent, hein, tout est parfaitement cohérent si on adopte ce point de vue. Alors techniquement, c'est un drone quadricoptère de 100 grammes. Donc c'est vrai qu'il est assez petit, bah, du coup il atterrit sur la paume de ta main, donc il est vraiment pas très grand, il est très léger, il est de petite taille, entièrement autonome, Et il est jaune, hein, il est très très très jaune. Hein, c'est une couleur qui se fait remarquer. Jaune Snapchat. Qui insiste aussi sur le côté accessible, j'imagine, tu vois, un petit peu ludique de l'appareil. Alors, c'est un drone qui ne se pilote pas. Sa seule fonction, c'est de te suivre, de te tourner autour pour prendre des photos, des vidéos. Il peut le stocker sur ses 16 gigas de mémoire interne. Et évidemment, c'est destiné à être uploadé quasi directement sur Snapchat, voilà, moyennant quelques petits filtres, évidemment. Concrètement, c'est moins un drone qu'une caméra à hélice, en fait, qui te permet d'avoir des selfies sans le bras. Des photos avec des cadrages originaux, enfin originaux pour l'instant, donc que tout le monde fasse pareil, bien sûr. C'est un petit peu cette autre personne étrangère, tu vois, à laquelle tu demandes de prendre une photo de couple et à laquelle, désormais, bah, tu seras plus forcé de parler. Hein. Dieu merci, encore une situation de moi, on devra parler à d'autres gens. Bon. Technologiquement... on va pas pouvoir y couper trop longtemps, mais enfin bon. Donc technologiquement, c'est un truc qui est quand même impressionnant. Alors pas par la qualité des prises de vue, parce qu'elles sont très moyennes. Leur vocation, c'est de se balader de téléphone en téléphone, après tout. Hein. Mais plutôt par l'usage. Alors, si tu choisis un mode de vol, suivi, orbital, photo de groupe, voilà, et tu choisis ça au-dessus, avec une petite molette dessus, et puis c'est tout. Tu mets ta main, tu le mets à plat sur ta main, il s'envole pendant 10 à 20 secondes, il fait son boulot et il revient se poser sur ta main. C'est des drones capables de vous suivre, ça existe déjà, hein, mais ils sont plus gros déjà, plus lourds, plus chers. DJI notamment, hein, qui est assez connu pour ça. Et ils sont plus complexes à gérer aussi, que ce truc qui est beaucoup plus spécialisé finalement, mais du coup totalement accessible. Donc, je vous le cache pas, avoir un petit robot volant qui me suit tout seul et qui vient se poser délicatement sur ma main à la demande, ça flatte quand même un petit peu mon ego technophile, quoi, tu vois, c'est quand même un gadget rigolo, faut le dire. Après, au chapitre des limites du truc, bah, déjà, il pèse 100 grammes, donc c'est-à-dire que s'il y a le moindre souffle de vent, je donne pas cher de ses pales, pocheur, à mon avis, ça va être difficile. Dans certaines régions... Ils le disent, hein, d'ailleurs, dans la description, ils disent qu'il faut pas dépasser un vent de 11 km/h, je crois. Enfin, bah, ça doit être ça, de toute façon. Et tu reconnais que dans certaines régions, ça limite quand même pas mal l'usage du Pixie, en extérieur. Je vois de quoi tu veux parler. Tu vois ce que je veux parler. Surtout que, bon, il n'y a pas de stabilisation, donc en fait, le moindre sous-courant d'air, c'est aussi des vidéos qui bougent, quoi, hein, ou des photos qui sont moins bonnes. Et donc, petit drone, petite batterie, hein, 5 à 8 vols de 10 à 20 secondes. Donc le truc ne va pas te suivre toute la journée, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Une batterie supplémentaire, c'est 20 balles, mais bon, il faut le prévoir, hein, évidemment. Et son prix, c'est à la fois un point fort et un point moyennement fort, c'est 230 dollars, donc 230 € probablement. Alors si on le compare à la concurrence comme un DJI Mini 2... 275 € le pack de vol. Voilà. Voilà, donc 275 €, évidemment, c'est 230 $. Donc, alors, si on le compare au DJI Mini 2, parce que comme tu disais, il y en a déjà des petits drones comme ça qui sont voilà, tout petits, qui ont un petit peu cette fonction photo quand même. Le DJI Mini 2, lui, il est presque deux fois plus cher, enfin un peu moins de deux fois plus cher même, hein, puisque si c'est 275 balles. D'après ce que j'ai vu, hein, si vous trouvez moins cher, bon, n'hésitez pas à me dire, mais voilà, un DJI Mini 2, c'est entre 4 et 500 balles, on va dire, pour être large. Et c'est quand même un drone qui est deux fois plus lourd et considérablement plus sophistiqué, quand même, hein, et qui est pilotable, bien entendu, et qui filme en 4K. Il peut voler jusqu'à 30 minutes. Voilà, en fait, c'est un produit qui n'a absolument rien à voir. Mais ça vise pas le même public. Attends, si vous cherchez un drone photo sérieux, je pense que le Pixie, c'est à peu près une petite crotte de belette collée à un pneu de bicyclette. Hein. Et en plus, ça rime. L'analogie c'est qui tue. Même une rime riche, je suppose. Donc, si vous voulez une webcam, par contre, qui vole, pour faire des photos un peu originales avec zéro prise de tête, c'est peut-être ce qu'il vous faut. Donc, c'est un gadget, clairement. Hein. La question est-ce qu'il existe suffisamment de cas d'usage, au-delà de la nouveauté pure et du wow factor, quoi, pour pas qu'il prenne la poussière à passer des deux premières semaines, tu vois. Est-ce que l'écart est créatif? Est-ce qu'un car est créatif, ça justifie vraiment 230 balles? C'est quand même le prix d'un téléphone tout à fait convenable, hein, de nos jours. Perso, j'en suis pas complètement convaincu, même si, ouais, je trouve que c'est quand même marrant, j'avoue, c'est assez séduisant, quoi. Et c'est rigolo parce qu'on se rend compte quand même, allez, de toi à moi, hein, est-ce que c'est le timing? Mais je crois pas qu'il y ait que ça. Snapchat, ils arrivent toujours à chaque fois qu'ils ont proposé des produits dernièrement, on en a toujours parlé. Souvent de manière phare dans nos épisodes de Tech Café, Guillaume, si on regarde bien, et toujours avec une forme de respect et d'intérêt. Et quelque part, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu séduisant dans la proposition. Ils arrivent à nous présenter des choses dans la tech qui vont pas nous révolutionner, mais qui retiennent au moins un petit peu notre intérêt, avec beaucoup de réalisme. Et c'est d'ailleurs du pragmatisme qui est mis en avant par le CEO de Snap, en opposition directe avec d'ailleurs les propositions de Mark Zuckerberg autour d'un métavers. Donc j'aime bien cette vision qui est assez réaliste, assez pragmatique, qui est de dire non, on veut pas que les gens, enfin les gens ne vont pas, en tout cas c'est une position qu'il tient, non, nous ne pensons pas que les gens vont vouloir se cloisonner chez eux et interagir uniquement par monde virtuel, mais plutôt interagir dans la vraie vie et avoir des éléments de réalité augmentée autour, par-dessus, qui soient assez malins, assez simples. pourquoi pas. Je me pose quand même la question, moi, Guillaume, vraiment, la durée de vie me paraît invraisemblable pour un tel appareil. Quelque part, d'ailleurs aussi, l'impact écologique de ce type de produit, est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui compte tenu de l'orientation? J'en sais rien. On met de côté la question écologique, mais vraiment, la durée de vie, quoi. La durée de vie, c'est une batterie, c'est 5, 10 vols, je ne sais plus exactement. Oui, mais de quelques dizaines de secondes. Hein, c'est juste, oui, oui. Tu ne jettes pas la batterie, forcément, tu la recharges, mais est-ce que honnêtement, tu vas recharger ta batterie en permanence pour ça? Moi, je me pose non, mais en fait, le truc, c'est que ils considèrent ça comme une caméra, pas comme un drone. Ce qui fait qu'en gros, tu vas partir en balade, tu te dis, voilà, je vais utiliser 20 fois ma caméra volante pour prendre diverses photos, et puis c'est tout. Et puis si je dois l'utiliser plus de fois, j'ai deux batteries. Et puis voilà, c'est vraiment un cas d'usage ultra spécifique, en fait. Un drone qui vole 20 secondes, ça n'a strictement aucun intérêt. Personne n'essaierait de vendre ça. Mais eux, ils ne vendent pas un drone, ils vendent une caméra. Et ils le marketent comme une caméra, c'est une caméra volante. Et de ce point de vue-là, les cas d'usage sont là ou sont pas là, selon les gens, je sais pas du tout. Mais clairement, il faut le savoir, vous ne pourrez pas prendre plus de 20 photos avec une batterie, 20 photos, 20 vidéos, donc en volant là, avec une batterie. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Honnêtement, c'est très difficile à dire. Hein, tu vois, tu prends pas toutes tes photos comme ça. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est effectivement faible. De notre côté, vu la taille du truc, c'est pas étonnant non plus. Hein. Tu sais, je me rappelle quand les Spectacles étaient sortis à l'époque, il y avait eu pas mal de tests qui montraient que ouais, c'était des lunettes qui étaient marrantes, qui faisaient des captations, qui pouvaient être rigolotes, mais qui rappelaient donc à quel point le produit pouvait être, pourquoi pas, intéressant, mais à quel point nos vies étaient bien souvent beaucoup trop chiantes pour être adaptées à ce type de produit. J'ai l'impression que ça va être le cas aussi ici. Effectivement, tu auras le cas un peu vacances, peut-être la première fois. Moi, ça me paraît très très cher pour les rares utilisations qu'il y aura dans le temps, mais évidemment, les usages vont peut-être me démontrer que j'aurais eu complètement tort. Ce qui en tout cas a souligné, peut-être pour clôturer ce sujet, c'est que il est disponible ce produit, enfin les Pixi vont être disponibles aux États-Unis et en France uniquement. Ils disent jusqu'à épuisement des stocks, donc j'imagine qu'ils vont renouveler après avec des Pixi 2 et évidemment commercialiser dans d'autres pays. Pour les prix, il faut donc s'attendre à... Alors c'est 250€, je regardais, hein, c'est 249,99€ ou avec des packs à 274,99€, et surtout, la batterie, elle, est à 24,99€, ce qui est à la fois cher et pas très cher. Ça gère 5 à 8 vols, une batterie pleine. On verra. Attends, j'avais plus de vols que ça. 5 à 8 vols, c'est encore moins que ce que j'avais dans l'article. Chaque batterie... Alors ça, c'est 5 la à 8 vols. Non, tu as raison, tu as raison. 5 à 8 vols chaque de 10 batterie... à 20 secondes. Non, autant pour moi. Autant pour moi. C'est moi qui pensais qu'il y en avait plus, parce que je trouve que c'est encore... Oui, tu vois. Bon, effectivement, c'est vraiment pas beaucoup. C'est quand même peu, hein, t'imagines, 5 vols. Bon. Et dernière chose aussi, j'aime aussi la transparence avec laquelle ils mettent en avant le produit sur le site. Si vous allez sur pixi.com, donc c'est pas snap.com, hein, au passage, c'est vraiment pixi.com, il a son propre site web. Et vous avez donc les différents modes de prise de vue qui sont illustrés avec des vidéos. Et vous avez la possibilité de cocher l'affichage Pixi pour vous rendre compte de ce que ça donne. Et je pense qu'ils ont été assez transparents parce que, évidemment, la prise de vue est forcément la plus flatteuse possible. Elle n'est pas non plus graphiquement extrêmement convaincante et ça rebondit. On dit bien et ça illustre bien sur ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, à savoir que on n'est pas là sur de la captation vidéo de haute qualité, vraiment, en haute définition, mais c'est du partage de téléphone. Ouais, c'est vraiment spécifique. En plus, il y a même un truc qui est quand même assez débile, c'est que sur Snapchat, tout se partage en mode portrait et le Pixi, il filme en paysage. Ce qui veut dire qu'en gros, quand ça va passer à travers l'appli, ça va se faire recadrer, quoi. Ce qui va faire, ce qui veut dire que ça va perdre encore de la définition, qui est déjà pas incroyable. De toute façon, ce qui était le cas sur les spectacles. Ce qui est clair et c'est net, c'est que ça a un cas d'usage très spécifique qui est le partage de vidéos, le partage de vidéos à l'impôt original sur les réseaux sociaux. Si vous voulez un drone photo, n'achetez pas ça. Je pense que c'est clair et net. Surtout, n'achetez pas ça. Si vous voulez faire de belles vidéos de volantes, tournez-vous vers les pros, tournez-vous pas vers Snap, quoi. C'est clair et c'est net. Pour plus cher, forcément. Ah, mais sûr, pour plus cher, mais pour beaucoup mieux. Voilà, exactement. Bon, écoute, c'est pas les seules choses qu'on voulait relayer pour Snap, parce qu'ils sont dans une force d'annonce, là. On avait dit, d'ailleurs, dans les précédents épisodes, que Snap était plutôt en progression en matière de revenus, en matière d'utilisateurs, et qu'ils tiennent plutôt bien la crise du social media au sens large. Bon, ça se démontre aussi, parce qu'ils veulent proposer des choses autour du shopping, Guillaume. Ouais, c'est alors de la réalité augmentée et du shopping. Alors bon, évidemment, de toute façon, comme tu disais, c'est vrai qu'Evan Spiegel était pas trop métaverse, ce qui paraît effectivement c'est pas trop sa cam, plutôt augmenter la la réalité autour d'eux. Et d'ailleurs, ils ont en test une paire de lunettes de réalité augmentée qui a un look très assez futuriste, très anguleux, mais qui sont très compactes aussi, qui sont surprenantes de compacité. Elles sont toutes noires. Elles ont un look un petit peu Cybertruck en fait, hein. Elles sont noires comme ça. Elles sont à peine plus grosses qu'une paire de lunettes normales et elles sont pas très lourdes. Et elles ont deux caméras et un guide d'onde en fait pour projeter des objets en 3D qui sont bien visibles même à l'extérieur. Bon, dans un champ de vision qui est malheureusement encore assez étroit. D'ailleurs, l'ensemble, l'appareil est plutôt convaincant dans l'ensemble, mais il faut oublier une autonomie encore très faible pour l'instant. C'est encore presque un proto, voilà, mais ça avance doucement. Voilà, donc on sent où ils veulent aller, quoi, hein, c'est clair. Et de toute façon, la réalité augmentée est très présente chez Snap, hein, et ça va s'amplifier. Bon, comme tout bon réseau social qui se respecte, Snap veut aussi devenir une plateforme de shopping, parce que voilà, traîner avec des amis c'est bien, mais acheter plein de trucs avec des amis c'est largement mieux, surtout si Snap a une commission. Donc comme tout le réseau social qui se respecte, hein, Snap veut donc faciliter et encourager les achats pour les victimes de la mode, jusqu'à leur offrir des fonctions très avancées quand même pour essayer virtuellement des fringues ou des pompes avant de les acheter en un clic, et de le hurler publiquement, voilà, ta fierté consumériste comme ça, tous tes contacts. Ça s'appelle Dress Up, et c'est un nouvel outil de shopping qui, si ça marche aussi bien que dans les vidéos, c'est quand même assez impressionnant. Donc tu choisis des chaussures ou une robe, c'est l'exemple donné, hein, c'est pas moi, un selfie en pied de toi évidemment, et hop, voilà, tu as la robe sur toi, et si ça match, un clic et c'est parti dans un colis. Et c'est beau la vie, hein. Alors, premier truc, pourquoi ça vient de Snap et pas d'Amazon, qui avait annoncé exactement la même chose en 2020 et qui avait déposé un brevet de l'action en 2018. Je sais pas si j'ai raté un truc, mais c'est peut-être t'as raison, que ouais, c'est vrai. Snap va-t-il réussir là où le colosse, le kaiju du commerce en ligne a l'air de complètement ramer, quoi. C'est quand même bizarre. Je sais pas, quelqu'un a des nouvelles de ce truc. Mais bon, Amazon ou Snap, vous avez compris que je suis assez critique de ce type de fonction essayage, parce qu'en fait, c'est juste de la pub. Rien de plus. Au lieu d'avoir une pub avec un mannequin, t'as une pub avec ta tête, mais en fait, c'est la même chose, c'est la même démarche. Vous pouvez partager l'image, c'est fun, c'est marrant, et ça encourage, ça facilite l'achat d'impulsion. Mais ça aide pas significativement à bien choisir tes vêtements, hein, parce que c'est sérieux, hein. Je veux dire, merde, choisir ses vêtements, l'air donne pas le ressenti. Tu vois, la douceur du velours, ou le toucher du lin lavé, ou du coton Supima. Il faut ressentir le vêtement sur sa peau. Il faut sentir comment on bouge à l'intérieur, tu vois. Est-ce qu'il lutte contre tes mouvements? Ou est-ce qu'il les accompagne comme ça? Est-ce qu'il les facilite? Est-ce qu'il presse là où il faut pas? Ou bien est-ce qu'il se fait oublier comme une seconde peau douillette et protectrice? C'est pas une lentille de réalité augmentée, hein, qui va te montrer les faux plis, les manches trop longues, les hanches trop étroites par rapport à la poitrine. La lentille, elle remplace des pixels. Elle a aucune idée de comment ça va tomber sur toi. Tu crois qu'elle comprend la subtilité, la diversité des morphologies? Que dalle. Alors vous pouvez tourner, tu vois, est-ce que tu peux tourner sur toi-même? Est-ce que tu vois ce que ça donne de profil, de dos, sous la lumière? Tu vois, tu pourras pas apprécier la qualité du tissu, des coutures, la robustesse et les points de faiblesse des trucs. On peut pas désincarner l'essayage de vêtements, c'est antithétique. Un vêtement, c'est habité. Ton corps l'habite et il doit s'y sentir bien, comme dans un appartement. T'achèterais un appartement sur photo sans le visiter? Bah non, bah c'est la même chose. Voilà. Ces technologies ne sont rien d'autre que du marketing. C'est des nouveaux outils pour nous faire consommer plus, quand il y a urgence à consommer mieux. Voilà, c'est pas comme ça que vous laisse devenir magnifique. J'ai presque envie quand même de te challenger sur cette position et cette mini-chronique que tu nous fais sur l'essayage de mode en réalité augmentée à la Snap. Parce que quelque part, si tu prends avec du recul un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire du commerce, il y a quand même le commerce en ligne qui a pris un poids incroyable. Et aujourd'hui, il y a quand même énormément de gens... j'en fais partie, même si c'est pas la majorité de mes achats, mais qui achètent leurs vêtements en ligne sans même les essayer. Et alors, ça c'est un autre point, effectivement, et je sais pas s'il y a beaucoup de transparence là-dessus, je suis pas certain qu'il y en ait énormément, mais malgré tout, c'est énorme aujourd'hui la consommation en ligne de vêtements, ou les click and collect qui sont encore une phase intermédiaire. Quelque part, je me dis, est-ce que la promesse c'est vraiment de remplacer l'essayage? Probablement dans l'inconscient collectif il y a un petit peu de ça, ou est-ce qu'il n'y a pas, effectivement, et là ça en reste de la publicité, hein, comme tu le décris si bien, mais une autre manière d'approcher le vêtement? Je crois pas que la promesse ce soit vraiment de remplacer l'essayage. Tu penses que c'est vraiment ce qu'ils prétendent, eux, derrière cette proposition? Eux, de toute façon, ils prétendent faire un truc fun, de te faire essayer les vêtements virtuellement, et voilà, et que c'est mieux que d'avoir juste la photo du vêtement. Très honnêtement, ou la photo du vêtement sur un c'est pas gagné, en fait, c'est sur ça que un mannequin. Dire. Et en fait, je suis pas sûr que ça soit à ce point. Enfin, je veux dire, clairement, l'objectif, c'est que tu achètes plus. C'est tout. Et tu achèteras plus impulsivement si tu fais un essayage, que tu envoies tout ça à tes potes et que tes potes, ils te répètent « Ouais, vas-y, mortel, fais-le !» Et voilà, en fait, c'est juste pour... c'est juste un petit peu de graisse dans les rouages du shopping social. C'est ça, le véritable objectif de tout ça. C'est pas vraiment de te faire... Parce que bon... Ça m'étonnerait, tu vois. Enfin, est-ce qu'elle s'adapte au corps? Mais comme je le disais, hein, c'est vraiment, voilà, c'est très visuel, c'est fun. À mon avis, c'est plus quelque chose de ludique et donc de marketing qu'autre chose. Hein, c'est tout. Après... Oui, c'est pour ça que je trouve. C'est pour ça que je trouve que le reproche de leur dire vous ne remplacerez pas l'essayage en magasin. Je suis pas certain quiconque ait prétendu ça. En fait, c'était un peu mon point. J'en sais rien. L'idée est de dire. Et effectivement, au même titre qu'on joue avec les filtres qu'il y a dans les stories, que ce soit sur Instagram ou sur Snap, tu te dis oui, ça fait carrément sens de te dire tiens je joue avec, oh, si j'ai la possibilité d'acheter ces accessoires, bon de manière très compulsive et pas forcément réjouissante encore une fois pour la planète peut-être, mais ça fait sens ça, mais je pense pas que la proposition ce soit de remplacer l'essayage en boutique. Bon, en tout cas c'est une vision qui est peut-être un peu plus pragmatique, un peu plus rassurante que un métavers dans la proposition en tout cas de Snap, on la suivra. Et il y a un autre truc qu'on va continuer à suivre parce qu'évidemment vous avez compris que c'était un petit peu notre fil rouge du moment et forcément c'est difficile de passer à côté, c'est le rachat par Elon Musk de Twitter parce que, Guillaume, tu as quelques retours autour de la partie financement et investissement du côté d'Elon Musk pour ce rachat. Ouais, ça se précise un peu. Bon, Elon a déjà vendu pour 8 milliards et demi d'actions de Tesla, ce qui agite un peu le marché. Bon, Musk a assuré qu'il n'y aurait pas de plus de ventes dans l'immédiat. Cela dit, il faudra bien qu'il y en ait une tôt ou tard, puisqu'il reste encore 12,5 milliards en cash à trouver pour son apport personnel. Donc le reste, bah, ça vient de prêts bancaires, peut-être d'investisseurs privés, bon, ça on ne sait pas encore. Apparemment, il y a plusieurs candidats. Mais bon, on a quelques infos croustillantes, on va dire, sur ce qu'il a dit aux banques. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on s'appelle Elon Musk et qu'on connaît un aussi bel homme et viril que lui qu'on ne doit pas batailler pour convaincre ses banquiers. Hein, parce qu'il faut quand même qu'il lâche 13 milliards de dollars dans l'ensemble. C'est rassurant. C'est légitime, puisque voilà, c'est... Alors, donc Elon a donné sa vision un petit peu pour le futur de Twitter, pour sa future rentabilité surtout, parce que officiellement ça l'intéresse pas, mais quand là il est au Crédit Agricole devant son conseiller, tu vois, il faut être un peu sérieux. Donc il avait déjà mentionné de pas payer les membres du conseil d'administration, donc c'est une mesure qui est plus symbolique qu'autre chose, et aussi de rendre Twitter Blue beaucoup moins cher, en espérant peut-être surbooster son adoption, ça et payer en Dogecoin, ce qui serait effectivement totalement disruptif. Bon. Ça est modéré le moins possible, ok, voilà, donc pas mal de banques se sont d'ailleurs pas senties, vu la marge modeste de Twitter et le profil de son entrepreneur, de son repreneur, pardon, mais certaines se sont apparemment laissées convaincre. Alors, qu'est-ce qu'il leur a vendu, on sait pas complètement, mais il aurait hasardé une nouvelle idée, faire payer les sites tiers quand ils citent ou relayent un tweet d'un compte vérifié. Ça va faire plaisir à personne, je sais pas. D'ailleurs, je vois mal comment ça va s'appliquer. Faut faire quoi? Faire la chasse aux citations de chaque tweet? C'est incompréhensible, cette proposition. C'est bizarre, hein. Bon, il se trouve qu'il a aussi mentionné des licenciements, sachant qu'il prendra aucune décision avant d'avoir la pleine propriété du truc. D'ailleurs, ça, c'est plus pragmatique déjà. Oui. Tu vois plus les économies. Ouais, tu vois plus les économies immédiates. Et c'est... encore que tu vas les faire où ces économies? Parce que je suis pas certain qu'ils soient débordent aujourd'hui personnel. En tout cas, c'est pas du côté de la modération. On rappelle hein, ce chiffre qui tourne quand même 2000 modérateurs dans le monde pour Twitter, ce qui me paraît déjà largement sous-dimensionné. Bah oui, mais il y en aura besoin d'encore moins, puisqu'il y a encore moins modéré, je sais pas. Mais bon, il avait aussi tweeté l'ouverture de l'algorithme de Twitter, d'ailleurs. Hein, tu sais que c'est. Alors, ça se fait se poser pas mal de questions aux experts, quand même, parce que. À chaud, on pourrait s'en satisfaire de ça. À chaud, on pourrait se dire. Complètement, c'est quand même ça va mal. Plutôt dans le bon sens. Après, est-ce que déjà, ça va pas permettre de créer autant de clones de Twitter, ce qui nuirait encore à la compétitivité de la plateforme? Est-ce que ça pourrait pas permettre aussi de berner le système un peu comme on veut, si on sait exactement comment ça fonctionne? Et après, on peut même se demander si ce serait si utile que ça, parce que système algo d'apprentissage machine, l'algo lui-même, sans les données, dit pas grand-chose. Il vaut mieux avoir des études sur les résultats, en fait, sur ce qu'il fait. Donc, certains disent qu'il faudrait peut-être mieux virer totalement les recours, en fait, hein, et s'en tenir au flux chronologique, ce serait plus simple. Ça rendrait peut-être Twitter moins toxique pour tout le monde, y compris pour les publicitaires. Bon, enfin, voilà, en tout cas, c'est le feuilleton de ce printemps, peut-être de l'été. Ouais, je pense qu'on n'est pas sorti d'auberge. Bon, je pense qu'en tout cas, ce sera de l'année et j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Mais c'est sûr que ça pose quand même question, ce financement. Hein. Comment tu te fais de l'argent avec Twitter? C'est pas comme si les mecs, ils n'avaient pas planché sur le sujet. J'ai quand même du mal, et tant mieux s'il arrive à me convaincre du contraire, tonton Elon, comme dirait Pierre-Olivier. J'ai quand même du mal à penser que ce mec-là va trouver à lui tout seul comment rentabiliser ce réseau social, alors qu'il y a maintenant quand même pas mal de recul. En tout cas, les propositions, moi, me laissent assez dubitatif. Le fait effectivement de faire payer les intégrations de tweets me paraît à la fois techniquement très complexe et même pas forcément source de beaucoup de revenus. Mais écoute, on verra, on suivra ça dans les détails. Et puis, on va tourner un petit peu autour de ce sujet et s'éloigner de la partie financement, mais parler un petit peu de son approche, parce qu'il y a quand même eu des prises de parole qui sont pas forcément rassurantes quand on attend du sérieux de la part de quelqu'un qui rachète un réseau social de cette taille, Guillaume. C'est sûr, Elon restera toujours fidèle à lui-même, hein, ça on peut lui faire confiance. S'il fait pas un scandale par, s'il fait un scandale par semaine, c'est qu'il est malade, qu'il a le gastro ou une main dans le plâtre, peut-être, je sais pas. Cette semaine, il s'est moqué de Vijaya Gadde, qui est une des principales cadres de Twitter. Alors, non seulement c'est débile, parce que ça remet encore sur le tapis un supposé biais à gauche de Twitter, non seulement parce que ça appelle au harcèlement, ce qui peut vite déraper, hein, étant donné que Vijaya est d'origine indienne, mais en plus, c'est illégal, parce que Musk a signé des papiers quand même, concernant l'acquisition de Twitter, quand même. Et dans ces papiers, il est explicitement écrit que l'intéressé peut tweeter sur l'acquisition, mais ne peut dénigrer la compagnie ou ses employés. Mais il s'en tape. Enfin, sauf si quelqu'un l'attaque, hein, je suppose. Et en plus, la vie de Vijaya doit pas être facile. Bon, enfin, ok, elle se fait 17 millions de dollars par an. Mais je veux dire, au boulot, sa vie ne doit pas être facile. Parce qu'elle est la juriste en chef de Twitter. Donc elle doit passer son temps à dire « Ouh là là, ça c'est limite, hein. Ouh là, non mais ça faut virer. » Et elle doit le dire probablement dans le grand vide total, parce que c'est vraiment, ça n'arrive pas très souvent. Et le jour où ça passe, tout le monde lui tombe dessus parce que c'est une sale gauchiste qui censure son monde. Bon. D'ailleurs, elle a pleuré quand elle a appris qu'Elon allait vraiment racheter Twitter. Et c'est véridique, hein, elle a vraiment pleuré. C'est même pas... Et Elon l'a vu d'ailleurs, et ça n'a pas dû lui faire plaisir. Du reste, elle va certainement se faire lourder. C'est quasi inévitable, hein, vu qu'elle incarne le biais fantasmatique des conservateurs. C'est elle qui était aux commandes quand Trump s'est finalement fait virer. Quand Twitter a viré aussi les mentions à un article sur Hunter Biden, aussi, on en avait parlé. Ce qui a été fait, je le rappelle, pas pour protéger Biden, mais parce qu'à l'époque, la plateforme interdisait les infos issues de piratage informatique. Une politique qui a changé depuis. Mais bon, qu'importe, hein, Vijaya va certainement partir. Parag Agrawal, à mon avis, est sur un siège éjectable aussi, hein, parce qu'il est CEO que depuis 4 mois. Enfin, ça fait 10 ans qu'il est concrètement à la tête de la boîte, et donc on peut parfaitement le rendre responsable de ce qu'elle est actuellement. Donc tout ça va faire plaisir à certains, hein. Déjà, on remarque une recrudescence du suivi sur les comptes Twitter qui penchent à droite, hein, c'est assez étonnant. Bon, que ça change en profondeur ou pas, tout ce bazar va peut-être booster Twitter. Après tout, toute publicité est bonne à prendre. C'est pas Joe Rogan qui dira le contraire, lui qui a tellement souffert de la controverse sur Spotify qu'il a gagné 2 millions d'abonnés. Moi je dis, on devrait avoir des propos beaucoup plus douteux et agressifs que ça, on devrait avoir des ennemis un peu, non ? On manque pas d'ennemis, nous. Je pense qu'on est beaucoup trop, effectivement, protégé de toutes ces adversités qui permettent de la polémique. Trouvez-nous des ennemis, tiens. On n'a pas assez d'ennemis. Suggérez-nous des ennemis. T'avais vu, hein, le tweet d'Elon Musk qu'il a repartagé, là où il y a une photo, ça peut être à faire une pichenette contre les testicules d'un tigre. Je ne sais pas si tu l'as vu. Mais bon. Ah, non, ça, j'ai pas vu. Bref, on continue dans la qualité. Bon, par contre, il y a des éléments qui sont peut-être, allez, je ne sais pas s'ils sont réjouissants ou inquiétants, en fait. C'est selon la perspective avec laquelle on les regarde. Mais on a un document qui est sorti de 3 pages que tu voulais relayer un petit peu, Guillaume. C'est une déclaration pour le futur de l'Internet. Mais on oui. s'imaginerait presque avoir une feuille de route ou un manifeste de la part de Tim Berners-Lee. De quoi s'agit-il ? Écoute, c'est fabuleux. Mais alors, tu sais, je sais pas si ça t'arrive, mais des fois, tu lis un truc et t'as la musique de USA for Africa dans la tête. C'est Where the World, Where the Children. Tu te souviens de cette chanson quand même ? Non, ça me le faisait pas, mais maintenant que tu l'as dit. Mais oui, We Are the World. Mais oui, je sais pas ce que ça veut dire, que je suis trop vieux pour ces conneries, hein, j'imagine, vu que c'est quand même un concert de 85, avec une pelletée de stars de l'époque, hein, comme, souvenez-vous, Ray Charles, Stevie Wonder, Michael Jackson et Latoya Jackson. Certains de nos jeunes auditeurs ne savent peut-être même plus qui c'est. Mais bon. Bah, si c'est le cas, manifestez-vous, ça m'intéresse. Dénoncez-vous, j'aimerais le savoir. Bon, bah, tu sais quoi, ce type de musique inspirante, voilà, qui chante l'espoir pour une cause juste et la promesse d'un avenir meilleur. Est-ce que le monde est en meilleur état qu'en 1985 ? Je veux surtout pas y réfléchir. Mais We Are The World reste pour moi un modèle de chanson humanitaire, quasi à la fois entraînante, émouvante et tout à fait cuculapraline. Et je sais pas pourquoi, quand je lis effectivement une déclaration pour le futur de l'Internet, c'est son nom complet, j'ai cette musique dans la tête. Voilà, écoute, c'est un truc qui fait 3 pages, hein, qui a été signé par le monde entier, en gros, c'est une 60aine de pays, dont les USA, l'Europe, 32 autres pays encore. Et voilà, et ça commence smooth et sexy, ce serait parfait pour du Lionel Richie, ça, tu vois. Donc voilà, t'envoies du Lionel Richie, elle affirme l'union de ces pays dans la conviction que les technologies digitales pourront améliorer la connectivité, la démocratie, la paix, les lois, le développement durable et la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales. Donc là, tu vois, c'est vraiment, voilà, là on est bien, on est tranquille, ça, voilà, on plane un peu, mais ça devient un petit peu plus triste, donc tu pourras lancer du Bob Dylan dessus. Donc elle affirme que l'internet doit être décentralisé mais aussi indivisible, que les splinternets, les internets coupés du monde sont indésirables. L'accès au réseau ouvert est limité par certains gouvernements à travers le monde, je demande qui, et les outils numériques sont utilisés pour réprimer la liberté d'expression. Et après on doit sentir un petit peu de détresse. Moi je verrais bien Cyndi Lauper, tu vois, qui hurle là-dessus. Le document discute aussi sur des enjeux de vie privée qui font d'ailleurs écho au RGPD ou au DSA, qui fustige la surveillance généralisée, les scores sociaux sans nommer personne, parce que bien sûr personne ne pense à la Chine. Et après il conclut, et je pense qu'il faut conclure avec une voix qui a du vécu, tu vois, comme Bruce Springsteen. Les signataires font vœu de combattre tout ça, d'inscrire la neutralité du net dans le marbre et de lutter pour un internet ouvert, un réseau qui libère et rend le pouvoir au peuple. Et on promet aussi de réduire autant que possible l'empreinte digitale de ces technologies. Voilà. Et là, tu fais un solo final avec Tina Turner et je crois qu'on est bon. C'est cool, hein. Franchement, c'est très cool. C'est une déclaration qui n'engage à rien, et donc ça coûte pas cher de faire 3 pages de lettres au Père Noël. Après, faut pas cracher dans la soupe. On a déjà couvert les efforts pour réguler au mieux le secteur des technologies. C'est une réaction autant tragique, hein, aussi qu'on est en train de vivre. Avec un monde et un mode numérique, évidemment, qui est plus divisé chaque jour. Finalement, il n'y a pas de mal à se faire du bien avec une chanson un peu mièvre, mais ô combien touchante, tu vois. Et puis bon, voilà, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est sympa. Ouais, je sais même pas si sur le plan historique, il en restera grand-chose, parce qu'en fait, au-delà de notre lait dans Tech Café et dans les médias ces derniers temps, je sais vraiment pas ce qui va en advenir de ce texte. Mais écoute, bon, il mérite d'exister. Allez, un dernier élément autour de ces échanges, notamment en écho à Twitter et son évolution. On parlait un petit peu de Mastodon, qui aurait pu être une sorte de porte de sortie pour ceux qui ne veulent absolument pas se plonger tête baissée dans un nouveau Twitter dominé et piloté par Elon Musk. Je pense très clairement que ce ne sera pas le cas, parce qu'au-delà d'une solution technique et d'une plateforme, il y a aussi la communauté qui fait l'intérêt d'une plateforme. Donc bon, je pense que ce n'est pas Mastodon qui va forcément recueillir là subitement une exode des utilisateurs de Twitter. Mais quand même, c'est une solution technique qui est utilisée qui va être retenue par l'Union européenne, Guillaume. Ouais, le fait divers Mastodon grossit quand même pour l'instant. Hein. C'est pour l'instant le grand gagnant de la saga Twitter finalement. Il a déjà plus de 40 000... Le gagnant, oui. Pas le grand gagnant, voilà, le gagnant. Oui, c'est vrai, 40 000 utilisateurs actifs. Bon, ok, c'est le gagnant, quoi. Ils ont même des problèmes de croissance, quand même, c'est fort. Donc, Mastodon, ça fonctionne en instance indépendante. Hein. Donc, c'est autant de Twitter, finalement, qui ont chacun leur base utilisateur et leurs règles. L'ensemble s'appelle le fait divers. Effet marquant, l'Union européenne vient d'ouvrir son instance Mastodon. Donc, concrètement, la Commission européenne a son Twitter. Elle a tout son Twitter à elle. Bon, bah, dans un premier temps, elle va publier ses propres news. Évidemment, tu peux t'inscrire, réagir, bien sûr, ça fonctionne comme Twitter, hein. Et pour l'instant, c'est un pilote, donc c'est un test, plus ou moins. Mais c'est peut-être un signe des temps, finalement. Jack Dorsey voulait décentraliser Twitter à toute force, hein. Bon, pour Mastodon, c'est pas la peine, c'est déjà fait. Et d'ailleurs, il en a fait un argument de vente, si j'ose dire. Il n'est pas à vendre à des milliardaires, je cite. Voilà, il reste plus qu'à aller faire ses premiers pouettes. Sur Mastodon, vous pouettez, vous tweetez pas, vous pouettez. Donc allez faire des pouettes. Vous pouvez venir me pouetter avec moi, j'ai 2 abonnés. Si vous allez doubler ma base d'utilisateurs, j'en suis sûr, ma base d'abonnés. Tiens, au passage, je ne sais pas si tu as vu que enfin, Guillaume, c'est quand même un point qu'on doit relayer. Donald Trump a publié pour la première fois sur Truth. Un premier Truth. Hein, c'est important. Il faut qu'on le dise quand même. Et en plus, il l'a fait avec beaucoup d'émotion. Il était attendu probablement. I'm back avec hashtag Covfefe. J'étais très ému. Bon allez, on passe à la rubrique suivante, Guillaume. On va parler d'un sujet que vous aimez bien dans Tech Café. On va parler notamment de crypto-monnaie, de blockchain, etc. Mais on va commencer avec des échos autour de la guerre en Ukraine et avec ce qui se passe en Russie. Et c'est Binance qui est concerné, Guillaume. Bah oui, content ou pas, Binance a bien dû faire comme tout le monde et sanctionner des comptes proches du pouvoir russe. C'est pas la première fois que Binance voit contraint à fermer des trucs à cause de sanctions, d'ailleurs, sanctions économiques, mais c'est la première fois qu'ils communiquent dessus. On a même la liste des gens bloqués, nommément. Donc elle avait annoncé des fermetures pour des clients majeurs avec plus de 10 000 euros d'avoir en crypto. Fedorov, le ministre ukrainien du numérique, se réjouit évidemment. Mais la Russie riposte. Elle riposte en bloquant le sulfureux site chess.com. Oui, le site où on joue aux échecs. Et oui, on joue aux échecs, mais il y avait aussi des articles et des témoignages liés à la guerre en Ukraine, et ça n'a pas plu. Donc le Kremlin a d'ailleurs aussi sanctionné Wikipédia et YouTube avec des amendes. Ils ont été verbalisés pour désinformation, mais en deux mots. Ils ne sont pas encore bloqués, c'est ça qui m'étonne. Moi, c'est vraiment le genre de truc, YouTube, tu vois, YouTube, c'est le truc. Ouais, moi, je suis halluciné aussi, mais bon, voilà. Donc ils préfèrent leur filer des amendes. L'amende de 77 000 euros, donc je ne sais pas comment ils se démerdent en plus. Ils pourraient quand même les taxer plus. Bon, j'ai pas compris. Donc oui, parce que 77 000 euros d'amende pour quelque chose comme YouTube, je pense que ça va leur en toucher une demi sans faire bouger l'autre moitié, tu vois, vraiment, c'est un année là. Bon, dernière info, presque russe, mais pas tout à fait, mais totalement crypto, c'est la monnaie de Telegram qui va finalement voir le jour. Et oui, pourtant, c'était le cœur lourd hein, qu'ils avaient abandonné le Gram en 2020. À l'époque, la SEC avait ordonné l'arrêt de la ICO pour des raisons réglementaires. Apparemment, quand tu récoltes 1,7 milliard de dollars, faut faire des papiers. Pff, toujours des papiers. Bon, la blockchain de Telegram s'était donc arrêtée, mais elle n'était pas morte, hein, et le projet non plus. Et ce projet... J'y avais pas pensé, moi. Eh ben, attends, moi non plus. Honnêtement, j'avais perdu cette vue, je pensais que c'était mort et enterré, et pas du tout, en fait. Le projet, voilà, cette communauté qui portait ce projet, elle voulait qu'il résonne, elle voulait qu'il étonne, elle voulait qu'il tonne, comme dirait la plus inspirée des Valérie. Oh. Et oui, parce que ça s'appelle le tonne. le tonne, The Open Network. Et oui, avant c'était Telegram Open Network, maintenant c'est juste The Open Network, mais c'est exactement le même nom. Et c'est la version, on va dire, détachée de Telegram, plus ou moins, qui est désormais actif et qui supporte une monnaie qui s'appelle le Toincoin, donc, et plus le Gram, qui peut s'échanger directement via le chat de Telegram, de manière un petit peu analogue à ce qui se fait sur Signal, d'ailleurs. Donc, le TON, donc The Open Network, c'est une blockchain proof of stake avec smart contract, d'après le site. C'est aussi un système de fichiers, de DNS, un service de proxy. C'est un truc très complexe, apparemment. Puisque TON, en fait, c'est une collection de blockchains, et pas une seule. Bon, en gros, il y a une master chain et potentiellement un nombre considérable de chaînes de travail qui peuvent être toutes différentes, elles sont hétérogènes, et elles-mêmes, elles sont potentiellement divisées en shard chain, c'est-à-dire des sous-chaînes qui, elles, par contre, sont homogènes et c'est toutes les mêmes. Bon, c'est compliqué, il y a un système de proof of stake pour la chaîne de travail, il y a un système de BFT pour les sous-chaînes, donc voilà, c'est quelque chose de complexe, mais c'est quelque chose qui... Enfin, le but, c'est d'avoir un système qui encaisse énormément de transactions par seconde et qui soit adaptable à beaucoup de choses. D'ailleurs, il peut supporter pas une seule, mais plusieurs monnaies. En fait, il peut supporter 4 milliards de monnaies différentes, si on voulait. C'est très poilu, je vous laisse avec les 125 pages du livre blanc. En tout cas, vu la pénétration de Telegram... Bah, le Toncoin a quand même du potentiel. Voilà, Ton sera-t-il un Ethereum killer? Je sais pas, il y en a tellement d'autres. C'est vrai que là, la pauvre blockchain Ethereum, elle a bien du mal à répondre à la demande en ce moment. Ouais, elle souffle, elle tousse, tu vas nous en parler. Je voulais juste boucler avec Telegram sur le fait qu'ils cherchent du bon vieil argent bien frais. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais ils envisagent de proposer une version payante qui contiendrait plus d'emojis et de stickers. Alors, je suis vraiment pas convaincu qu'au-delà de la volonté de soutenir Telegram, il y ait beaucoup de personnes qui soient prêtes à payer un abonnement. Mais bon, après tout, pourquoi pas? C'est pas plus débile qu'autre chose. Et je voulais juste terminer avec un jeu de mots que, bon, forcément, quand on présente un jeu de mots par le fait que c'est un jeu de mots, il fait forcément un bide, mais je voulais juste te demander si Olivier allait en avoir Olivier Hatton, voilà. Donc, bon, tu voulais nous parler en tout cas d'Ethereum qui souffre, qui tousse un peu, hein, effectivement, et a priori, oui. Ils sont très sollicités, ils répondent pas à la demande, là, ça va pas, là. Ouais, on arrête d'en faire des tonnes et on passe sur Ethereum. Je veux dire, figurez-vous que la dernière lubie du Bored Ape Yacht Club, donc c'est les gens qui font ces fameux singes blasés là, donc qu'est-ce qu'ils font, c'est leur dernier truc, c'est de vendre des titres de propriété d'un métaverse. Oui, je sais, c'est original. Il fallait donc évidemment il faut les acheter dans une monnaie de singe, bien entendu, et en gros c'est 5800 balles par parcelle, et donc ils ont minté 55 000 NFT pour ces parcelles. Devinez où? Sur Ethereum, hein, parce qu'il n'y a aucune autre chaîne qui existe, bien entendu. Et sur Ethereum, il faut payer pour exécuter les programmes qu'on appelle les smart contracts. Sinon, évidemment, n'importe qui ferait exécuter n'importe quoi. Donc, au plus un smart contract est complexe, et au plus c'est cher. Donc, au plus vous payez une commission importante, ce qu'on appelle le gaz. Mais il n'y a pas que ça. Ethereum, c'est une sorte d'ordinateur mondial super lent et sur lequel tout le monde se bat pour avoir des cycles. Donc, il y a un mécanisme d'offre et de demande qui fait monter les prix du gaz quand il y a de l'affluence. Et là, les singes blasés, ils ont tellement surchargé cette pauvre blockchain que les frais de minting ont coûté plus cher que les parcelles elles-mêmes. Ils ont coûté entre 6 et 14 000 dollars par mint de NFT. Et bien sûr, ça a fait exploser les prix pour tout le monde. Donc c'est donc en gros, c'était payer ou attendre que ça baisse. Donc ça ralentit un peu le monde entier, quoi, enfin tout le monde du Web3. Ça montre encore bien que technologiquement, il faut avancer quand même, hein, et avec quelque chose d'un petit peu meilleur qu'Ethereum, enfin en tout cas qu'Ethereum 1.0. Bon. D'ailleurs, c'est pas la seule techno vieillissante qui perdure et qui reste déraisonnablement utilisée. Il y a Bitcoin aussi, que les gens continuent à utiliser. En plus, Wikipédia l'utilise plus, tiens, puisque Wikipédia refuse désormais, suite à une décision de sa communauté, tout don en crypto. Molly White, qui est une contributrice régulière, elle est plutôt contente. Elle maintient un blog qui est assez marrant quand même, qui s'appelle Web3 is going great, et qui recense les scams, les hacks autour des cryptos. Pour juste un coup d'œil, c'est assez marrant de voir, du boulot, tout ce qui sort. Paraît. Et ouais, elle est jamais à court de matériel. Bon, enfin, bon, c'est assez fun, en fait, parce que, bon, c'est fun. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a tellement. Pourtant, pour Bitcoin spécifiquement, c'est pas les mises en garde qui manquent, hein. Warren Buffett, par exemple, on peut pas dire que c'est le dernier des bolcheviques, hein, Warren Buffett. Et comme il pèse 102 milliards de dollars, c'est dur de balayer d'un revers de main les conseils d'investissement qu'il te donne. Il est plus crédible que moi. Mmh. Et ben, pour tout l'or du monde, il achèterait pas de Bitcoin. C'est un substance, c'est ce qu'il a dit à CNBC, et il a expliqué pourquoi, pour une fois. Donc, il dit que le Bitcoin, tout simplement, ne produit rien. Voilà, lui, il achèterait volontiers 1% des terres cultivables aux États-Unis, par exemple, pour 25 milliards de dollars, ou 1% des logements pour 25 milliards, parce que, ben, ils produisent un truc. Ils produisent de la bouffe ou ils produisent des loyers. Mais un truc. Pour lui, un actif a une valeur s'il produit quelque chose pour quelqu'un. Et le Bitcoin, lui, ben, il a de valeur que lorsqu'on le revend. Donc, en attendant, ben, la valeur, elle est juste dans la tête des gens qui en ont. Et c'est pas là-dessus que Warren veut parier. Bah, quelque part, j'ai tendance à avoir le même raisonnement que lui, mais il l'explique beaucoup mieux que moi. Donc, c'est bon, quelque part, il le mérite plus, probablement. Juste pour dire, hein, chez Wikipédia, c'est pas non plus un gros sacrifice qu'ils ont. Hein, je crois que c'était 130 000 dollars qui ont été, enfin, l'équivalent de 130 000 dollars qui ont été donnés en crypto à Wikipédia l'année dernière. 0,08% de ses revenus. Donc, bon, ils sacrifient pas de grand chose non plus. Et quelque part, peut-être, ça leur simplifie la donne. Mais après tout, ça clarifie les choses. Par contre, le Bitcoin continue à avoir des pays qui le reconnaissent officiellement. C'est Centrafrique, Guillaume, et je crois que ça fait partie des pays qui avaient été désignés comme étant de potentiels futurs adopteurs de Bitcoin qu'on avait relayés dans ta cabine. Oui. Bah, pour des raisons très, très discutables, dont on avait déjà d'ailleurs discuté. Mais oui, le Centrafrique, donc la République centrafricaine, qui est un pays d'environ 5 millions d'habitants et qui est une ancienne colonie française, hein, jusqu'en 1960. Ce qui explique le franc CFA comme monnaie officielle, à laquelle donc vient se rajouter le Bitcoin désormais. Alors, comme le Salvador, la Centrafrique, c'est le deuxième pays à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de quoi être étonné, voire troublé, hein, quand même. Parce que, bon, premièrement, la Centrafrique fait partie de la CEMAC. C'est la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, et le vote unilatéral donc de la RCA, pour République centrafricaine, n'est pas légal dans le cadre de l'Union monétaire d'Afrique centrale. C'est pas moi qui le dis, c'est un responsable de la Banque centrale de la zone, qui s'appelle la BEAC, je crois. Donc la RCA s'expose à se faire expulser de la zone CFA, ce qui aurait probablement des répercussions majeures sur la population. Parce que le Bitcoin, c'est bien beau, mais enfin, il faut quand même rappeler que la RCA, c'est un pays... Enfin, c'est un des pays les plus pauvres du monde, hein. Il a 500 dollars de PIB par habitant, donc c'est à peu près la même chose que l'Afghanistan. Donc acheter des bitcoins, ça va être quand même chaud pour les gens, hein. Donc, il faut aussi pas perdre de vue que 80% du territoire n'est même pas électrifié convenablement. Donc question minage, ça va être tendu. Le pays a une capacité de production d'électricité autour des 30 mégawatts. Donc c'est pas possible. Ou alors, comble du comble, ils construisent des centrales pour miner du bitcoin, alors que 80% des gens n'ont pas d'électricité. Bon, je serais même pas plus étonné que ça, remarque. Mais bon, du coup, sans surprise, la pénétration d'Internet dans le pays est aussi très faible. Ben, forcément. Selon les articles, on voit des chiffres de 11% de chez Hootsuite, ou alors 4%, qui est cité par Virgile Perret, un expert monétaire russe. Pas beaucoup suisse. Quand même. Hein. Donc, entre 11 et 4% de gens connectés dans le pays, on va dire que, globalement, voilà, le pays adopte le Bitcoin comme monnaie officielle, alors que 90% des gens n'ont pas Internet. Donc, il adopte le Bitcoin pour qui? Pourquoi? Pour le bien de sa population? Non. Mmh. Mais bon, on a peut-être des indices, hein, de qui ça pourrait arranger, parce que le pays a une histoire très compliquée et mouvementée, puisque depuis 2003, c'est un pays qui est un peu en guerre civile perpétuelle. Bon, il y a eu une tentative de réconciliation en 2016 qui a fini par échouer, et les milices Wagner, donc les milices russes, et les milices de... C'est donc des... C'est une armée, les mercenaires, une armée privée russe, ils arrivent en 2018 pour entraîner les militaires sur place. À l'époque, la majorité du territoire est contrôlée par les groupes armés, hein. Donc en 2020, Wagner lutte avec les forces du président contre les rebelles. De manière générale, Moscou, c'est un peu le seul allié de Bangui. Et il y a des livraisons régulières d'armes, de blindés d'ailleurs. Bah, parce que malgré sa pauvreté, la Centrafrique a d'énormes ressources naturelles. Et elle en exporte d'ailleurs, hein, s'il y a de l'uranium, de l'or, des diamants. Tout ça le vend en dollars. Donc le pays, en fait, a des dollars pour payer ses armes, par exemple. Or, compte tenu des sanctions contre la Russie et son exclusion de SWIFT, ben, ça devient peut-être chaud de payer la Russie en dollars, mais en bitcoin, pourquoi pas? Entre ça et la corruption qui est assez répandue hein, dans le pays, on tient peut-être ceux qui vont utiliser vraiment le Bitcoin, tu vois. Alors, c'est des hypothèses, mais elles sont peut-être plus crédibles que le Bitcoin qui change la vie des gens, tu vois. La population centrafricaine, elle galère un maximum depuis des décennies, et c'est pas demain que ça va changer avec le Bitcoin, hein, bien malheureusement. Ouais, bah, les explications paraissent en tout cas tout à fait plausibles, celles que tu avances me semblent bien plus crédibles que le bien de l'utilisation du Bitcoin par l'immense majorité de la population. Effectivement, s'ils ne sont pas connectés à Internet, c'est compliqué. On va parler d'une autre marque qu'on ne suivait plus trop et qui a eu ses quarts d'heure de gloire, notamment au moment des affaires où GameStop a eu son affaire. On vous renvoie aux épisodes de Tech Café de l'époque, hein, mais les manipulations de cours de bourse, enfin pas exactement de cours de bourse. Je synthétise beaucoup parce que je ne veux pas re-rentrer pour redérouler toute l'histoire, mais on avait parlé en tout cas de Robinhood, qui était une de ces applications qui se veut être une émanation des réseaux sociaux, mais basée sur les investissements en bourse, tout simplement. Leur objectif, c'était de simplifier et rendre plus accessible au plus grand nombre les investissements boursiers. Et pourtant, leur santé n'est pas aux plus grandes formes, Guillaume, à croire qu'en dehors d'un confinement et en dehors d'une pandémie, ce n'est pas forcément un contexte favorable pour une croissance pour eux. Ben, mais il faut dire aussi, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour s'occuper pendant le confinement, hein, c'est dur quand c'est on sûr. S'ennuie. Tu sais qu'il y a une étude de l'Université de Virginie qui a montré que quand on demande à des gens de rester assis 15 minutes à rien faire, rien du tout, sans aucune stimulation, et ben, 12 hommes sur 18 et 6 femmes sur 24 s'administrent des chocs électriques plutôt que de rester perdus dans leurs pensées. Alors, j'allais dire que moi, 15 minutes, c'est long, mais je sais pas si j'y arriverai là. Quand même. Oui. Tiens, je vais faire le test. Surtout après. Que c'est des chocs qu'ils étaient prêts à payer, pour lesquels ils étaient prêts à payer $5 pour les éviter s'ils le pouvaient, parce que ça fait aussi partie de truc. Donc c'est vraiment des chocs désagréables, tu vois. Si t'es prêt à payer $5 pour éviter un choc, c'est que ça te fait pas plaisir. Mais quand même, 12 hommes sur 18 et 6 femmes sur 24 s'habillent sur des chocs électriques. Ça fait réfléchir, surtout pour les hommes. Quel est l'esprit vicieux qui a mis en place cette étude, par contre? Ça m'intéresse. Si 15 minutes c'est dur, t'imagines le confinement quoi. Donc c'est comme ça que des wagons de gars se retrouvent sur Robinhood à acheter n'importe quoi. Alors je dis des gars, et je le fais exprès en fait, parce que les femmes sont ultra minoritaires en fait sur la plateforme, comme pour se mettre des chocs électriques hein, d'ailleurs finalement. Je me demande s'il y a vraiment égalité entre les hommes et les femmes des fois, tiens, je me demande si on est vraiment au niveau en fait. Bon. Bref, je m'égare. Oui, Robinhood, cette application américaine qui gamifie la spéculation boursière et aussi la spéculation en crypto-monnaie depuis, voilà, bien sûr, voilà de quoi le monde a besoin évidemment. Parce que le slogan, c'est de démocratiser la bourse, mais en fait, on se demande si c'est pas devenu le plus gros casino du monde. Bon, les phénomènes de meme stock sont nés là-dessus, comme tu le disais, hein, c'est l'achat en masse coordonné via médias sociaux d'actions très basses pour doper leurs cours jusqu'à des sommets improbables. Ça a été la grande mode de 2020, mais voilà, nous sommes désormais dans un monde post-Covid, en tout cas, sans plus de confinement par chez nous. Et en plus, en pleine crise inflationniste, donc en gros, les gens ont moins de temps à glander sur leur téléphone et doivent faire plus attention à leur argent. Et ça, c'est pas très bon hein, pour le business model de Robinhood, qui affiche des résultats en berne. L'application perd 10% de ses utilisateurs, le revenu moyen par utilisateur perd 61%. La chute de la valeur de la boîte avait déjà commencé, même avant la guerre en Ukraine. Hein. Elle avait perdu 76% de sa valeur globale en 6 mois. Mais même les cryptos sont en berne d'ailleurs, donc voilà, et Robinhood est victime, enfin, c'est une victime surprenante en fait de cette récession un peu de l'économie de l'attention, c'est vraiment ça quoi, c'est, Netflix aussi avait explosé pendant le confinement, mais c'est artificiel, tous ceux qui se nourrissent d'attention en fait ont senti cette récession là après les confinements. Pour Robinhood, il faut voir comment ils peuvent persister durablement hein, au-delà de la hype, des hypes éphémères, donc ils envisagent de devenir plus sérieux en offrant des services de type bancaire en fait. Comme des cartes de paiement, devenu une sorte de super app financière, quoi, voilà. On verra si le roi du meme stock arrive à se réinventer. C'était pas évident hein, de les voir s'écrouler comme ça. Moi, j'aurais pu imaginer comme ça sur le papier que ça pouvait être une nouvelle demande, un nouveau profil de consommation, réjouissant ou pas. Je pose même pas la question, mais en tout cas, ça m'aurait pas semblé déconnant que ça puisse survivre à un confinement, à une fin de confinement. Bon, écoute, on verra s'ils s'en tirent bien ou pas bien à l'avenir. Et en attendant, on va aussi se poser un petit peu sur les résultats financiers de nos bons vieux GAFAM. Ah non, alors je dois plus les appeler les GAFAM, je dois les appeler quoi, les GAMAM. Bon, je suis paumé, comme il y a Meta maintenant. Mais en tout cas, on va se pencher sur les résultats financiers des grandes entreprises de la tech. Pourquoi ? C'est pas parce qu'on est des experts ou des passionnés de finance, mais simplement parce que ça permet... Bon, oui, un peu, mais surtout parce que ça permet de mieux comprendre un peu leurs orientations, leurs résultats et à quel point ils arrivent à installer leur philosophie dans la consommation tech au quotidien pour les gens. Alors Guillaume, où est-ce qu'on en est du côté de ces grandes entreprises ? Bon, écoute, on va commencer par Apple avec des performances limitées par par des problèmes d'approvisionnement, ce qui explique ce trimestre calamiteux à la limite du scandale de 97,3 milliards de chiffre d'affaires. En hausse de seulement 9%, mon Dieu. Bon, en fait, tout augmente de jusqu'à 17% même pour les services. Tout sauf les iPads, la faute à la logistique donc. Hein. Bon, pour Microsoft, pas de soucis, pas de soucis de camion en tout cas, avec presque 50 milliards de chiffre d'affaires ce trimestre, hausse de 18%, un bénéfice de 16,7 milliards. C'est le cloud qui devient un véritable cumulonimbus hein, maintenant, avec 32% de hausse. Bon, du côté des pauvres gens lambda qui utilisent des ordinateurs non nuagiques, ça bouge pas beaucoup. Windows fait toujours du pognon. Windows 11 semble progresser lentement. Enfin, en tout cas, c'est pas Microsoft qui va le reconnaître, mais il y a des chiffres d'Adduplex qui font état d'une croissance très lente de Windows 11, qui est prêt aujourd'hui 20,4% des PC, alors que les deux dernières versions de Windows 10 en équipe ont encore 61,5%. En gros, je pense que tous ceux qui pouvaient upgrader l'ont fait, quoi, et puis basta. Oui. Il y a un point aussi hein, sur Windows, je ne sais pas si tu l'avais relevé, mais a priori, les parts de marché du système d'exploitation Windows seraient passées de 90,96%, royal, de parts de marché en 2013 à 73,72% en décembre 2021. Donc sur une longue période comme ça, on sent quand même une pente qui descend un petit peu et qui laisse de la place aussi un peu à Apple. Hein. Oui, complètement. C'est effectivement Apple qui a pris le gros du truc. Il y a un petit peu les Chromebooks aussi. Enfin, en tout cas, le secteur Xbox, lui, si on parle du grand public, est en grande forme. Il a même ses meilleures ventes depuis 11 ans. Il bat la PS5, qui, elle aussi, a des problèmes de camion, hein, décidément. D'ailleurs, les abonnés Xbox Game Pass ont joué 45% de plus cette année. Je crois qu'il y a eu 10 millions de gens qui ont testé xCloud, dont moi, d'ailleurs. Donc voilà, tout le reste monte avec encore deux chiffres, c'est le minimum syndical, deux chiffres de croissance. Hein. Office Cloud, Office 365, LinkedIn, qui même croît de 34%. Plus de 58 millions de personnes sont abonnées à Office 365. Voilà, un virage bien négocié, hein, si j'ose dire. Ils sont bien. Même Surface est en hausse de 13%, c'est pour dire. Bon, pour le prochain trimestre, Microsoft se veut prudent et ne s'attend qu'à des croissances à un seul chiffre. Bah, c'est la crise, je vous dis. Bon, pour Alphabet, c'est un peu plus compliqué, parce que comme tout le monde, ils sont un chiffre d'affaires trimestriel record de 68 milliards, qui est littéralement 10 fois plus qu'en 2010. Exactement. Mais donc c'est une croissance de 23%, lui aussi. Mais les dépenses ont aussi augmenté, et donc c'est qui fait qu'ils ne gagnent en net que 16,4 milliards, soit 1 milliard de moins que l'an dernier. Bon, on n'appelle pas les huissiers tout de suite, hein, mais la recherche coûte de plus en plus cher apparemment chez Alphabet. Il faut faire attention à toute cette science-là, hein, parce que ça bouffe beaucoup les marges. Bon, après, sinon, tout le reste se porte comme un charme. Hein, 39 milliards pour Search. Quant aux 31 la dernière fois, le secteur de pub rapporte 54 milliards. Même YouTube se porte très bien malgré la concurrence de TikTok. Ils insistent hein, sur les shorts pour contrer l'effet TikTok. Cela dit, avec une croissance de 20% contre 30 l'an dernier, ben, l'action a marqué le pas. Voilà, ça, c'est l'univers impitoyable de la bourse et du capitalisme, mon cher. Oh. Ben oui. Et bon, puisque j'y suis, je vais embrayer sur un site que je vous conseille, un site au nom rigolo, avec plein d'illustrations colorées et bourrées de chiffres. C'est Visual Capitalist, donc voilà, visualcapitalist.com. Bon, la page que je relève en particulier là dans le conducteur de l'émission, c'est une infographie qui illustre comment les GAFAM ou les GAMAM font leur blé. Donc voilà, quels sont leurs cœurs de métier. Par exemple, pour Amazon, on a découpé ces 469 milliards de chiffres d'affaires annuels en 47% qui viennent des magasins en ligne ou physique, 22% des commissions diverses et variées sur les vendeurs, les expéditions, etc. 13,2% qui viennent d'AWS, 6,8% de Prime, c'est quand même pas négligeable, etc. Voilà, pour Meta, c'est beaucoup plus simple. Hein. Vous avez le truc, c'est 97,5% de revenus de la pub, par exemple. Pour Alphabet, c'est 80% quand même. Donc, c'est intéressant. Voilà, ça permet de voir un petit peu comment d'où vient le fric des grosses boîtes tech. Bon, c'est visuel, hein, c'est visual capitaliste, donc je vais immédiatement arrêter de me fatiguer à faire passer ça à l'audio. Mais sur le site, il y a aussi des infographies comme ça, il y en a plein, il y en a par dizaines. Il y a voilà les compagnies par nombre de brevets, le pognon de dingue que se fait Apple dans les jeux vidéo, tout ça visualisé en infographie, donc c'est assez sympa, allez jeter un coup d'œil. Ouais, vous pourrez les regarder, effectivement, c'est assez chouette à regarder. Dans le cadre de Meta, au passage, hein, je ne pouvais pas m'empêcher de le brancher, ça a été presque notre scandale Meta de la semaine. Je ne sais pas si tu as vu le rapport qui a été communiqué sur la gestion par Facebook des données personnelles, mais c'est un rapport interne qui a été rédigé l'année dernière par des ingénieurs qui sont en gros chargés de bosser sur la protection de la vie privée, il y en a, au sein de l'équipe des produits pub et commerciaux de Facebook, qui en gros arrive à la conclusion de ils savent pas trop ce qu'ils font des données en fait personnelles. C'est assez génial, c'est eux-mêmes qui le disent. Bon, 97% hein, de revenus pour Meta sur la publicité. Et non, un autre point moi qui m'a marqué, c'est les revenus du côté d'Amazon. Je ne pensais pas qu'AWS avait une part si faible dans les revenus d'Amazon. J'étais surpris de voir que c'était aussi bas les revenus d'AWS. Mais bon. On passe aux jeux vidéo avec Guillaume, Apple qui persiste avec sa volonté de faire périmer les jeux et les applications de son store qui ne respectent pas certains engagements. Oui, alors il a clarifié un petit peu sa position hein, sur les applications qui périment sur l'App Store. Ça change rien au problème concrètement. Pour préciser, ça concerne les apps qui n'ont pas été mises à jour au cours des 3 dernières années, qui sont que très peu téléchargées sur une période de 12 mois. Donc les devs reçoivent un mail pour qu'ils mettent à jour leur app voilà, dans les 3 mois avant qu'elle ne se fasse potentiellement retirer. Concrètement, le passage de 30 à 90 jours change strictement rien au fond du problème. C'est même encore pire d'ailleurs, puisque si tu as une application qui est populaire, tu es exempté de l'obligation, sinon tu jartes. Alors il y a un commentaire sur le site de TKF de Boyan AV, sur le site qui est très citer, intéressant. Si tu t'en charges, c'est pour cet auditeur ou cette auditrice, je sais pas, la raison principale pour laquelle ils veulent une mise à jour, c'est pour que les devs précisent les nouvelles données obligatoires de confidentialité. Parce qu'Apple s'est engagé à ce que chaque appli dise ce qu'elles savent ou ce qu'elles savent pas, ce qu'elles font des données, etc. Du coup, Apple doit forcer les mises à jour pour les applis les plus anciennes. Alors là, ce serait totalement différent. Si c'est ça, le fond du problème change complètement. Déjà, il y a une raison valable qui ne soit pas une raison technique foireuse, parce que vous ne voyez pas trop, et c'est une raison de politique qui se défend. Surtout, c'est one shot en plus. C'est-à-dire, par principe, une fois que la mise à jour est faite et que tu es en conformité, eh ben, c'est bon, il n'y a plus de raison de les virer. Évidemment, il peut y avoir d'autres changements, tu vois, mais c'est totalement différent de décréter arbitrairement qu'une application finie ou pas est à dégager sans mise à jour depuis 2 ans, et donc de condamner des milliers d'applications à disparaître sans raison valable, et de dire, bon, on a pris une décision dans l'intérêt des utilisateurs, on vous demande d'y souscrire, tu vois, c'est pas la même chose. Mmh. Même si appliquer une règle rétroactivement, c'est aussi assez discutable. Mais bon, voilà, si c'est ça, je comprends absolument pas pourquoi Apple ne le dit pas. D'ailleurs, l'auditeur non plus, enfin, je veux dire, c'est absurde, je comprends pas. Au point que, perso, je suis même pas sûr que ce soit ça. Peut-être qu'au passage, ils vont résoudre le problème de conformité, mais qu'au fond, leur but, c'est bien de faire le tri dans les rayons au mépris des petits jeux et des petites applis. On verra, enfin, j'espère qu'ils vont clarifier ça, on verra bien. Hein. Et même si on prend le retour de notre auditeur comme élément réel et confirmé, et vraiment si vous avez des éléments, n'hésitez pas à nous les partager, on n'a peut-être pas des documents qui sont un petit peu plus explicites sur le sujet, mais tu pourrais même aller tordre la réflexion plus loin en te disant, ok, si jamais le développeur ne précise pas les nouvelles données obligatoires de confidentialité qui sont demandées par Apple, on pourrait aussi imaginer, évidemment ce serait pas Apple, mais qu'il y ait une grosse mention avec un bandeau en haut de l'app sur l'App Store qui dise, attention, nous n'avons pas réussi à avoir les informations nécessaires à utiliser garde, cette application à vos risques et périls. Mais bon, non, c'est pas très Apple tout ça. Bon, et par contre, on sait qu'ils ont des projets hein, autour de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée à l'avenir. Peut-être qu'on aura des choses du côté de chez Apple. Et justement, Guillaume, on a du nouveau là-dessus, en tout cas des intentions. Oui, mais chez Meta, par contre, hein, c'est Meta qui prépare seulement une nouvelle version de son Quest, auquel évidemment on s'attend. Il préparait en fait pour moins de 4 casques VR différents. Donc il y aurait effectivement 2 itérations d'Oculus Quest en préparation, dont les noms de code sont Stinson et Cardiff pour 2023 et 2024. Donc on n'a pas vraiment d'infos dessus, mais voilà, on suppose que c'est des itérations quoi, des Oculus. Par contre, il semblerait que ce qu'on appelait le Project Cambria aurait en fait comme nom de code Arcata, et ce serait donc un casque autonome aussi. Donc c'est le projet casque haut de gamme. Et le prix, effectivement, on le dit bien, puisque ça tournerait autour des $800 par contre. Donc la promesse, c'est d'avoir une sorte de super quest, avec une résolution qui soit vraiment beaucoup plus fine, suffisamment pour coder, écrire des mails en VR sans problème. Donc vraiment, on est sur un truc qui pourrait être utilisé pour le travail, et limite pour le travail de bureau en réalité virtuelle, avec probablement le télétravail en tête. Et d'autre part, il y aurait aussi un retour vidéo de la réalité, en couleur et en haute définition, pour pouvoir faire de la réalité mixte de qualité, tu vois, comme par rapport au Quest 2, où on a un retour de très faible qualité. Donc, apparemment, voilà, ce serait un capteur très haut de gamme qui aura aussi un casque très haut de gamme qui aura aussi des capteurs pour le suivi du regard et des expressions faciales. La puissance du calcul passerait de celle d'un téléphone pour le Quest à celle d'un ordinateur entrée de gamme pour Arcata, le tout donc avec une plus grosse batterie évidemment, ce qui est pas super étonnant si l'ensemble est plus puissant. Donc Arcata pourrait sortir en septembre et sa relève serait prévue en 2024. Et justement, 2024, c'est aussi l'année de sortie du supposé projet Nazar, qui est donc une paire de lunettes de réalité augmentée, un petit peu comme les Snap dont on a parlé au début là. Donc il y aurait ce truc là, donc voilà, une sorte d'HoloLens un petit peu, un truc comme ça. Et il y aurait aussi Hypernova. Hypernova, ce serait une paire de Smart Glass, donc des trucs plus simples, façon Google Glass un petit peu. Hein. Il semblerait même qu'il soit prévu qu'elle soit contrôlable par un bracelet d'électromyographie. Donc en fait, c'est un bracelet qui lit les impulsions nerveuses des muscles du poignet et qui interprète les gestes comme ça. Donc voilà, donc ça fait quand même des plans qui... Enfin, les plans de Meta sont pharaoniques quand même, hein. Il y a pas moins de 4 appareils qui donc vont tous recevoir des mises à jour, des nouvelles versions tous les ans. Donc on va bientôt pouvoir toucher du doigt, hein, où Meta passe tous ses milliards de dollars chaque année. C'est un peu le côté cool finalement de l'obsession de Mark Zuckerberg, hein, c'est qu'on va pouvoir avoir plein de nouveaux jouets à tester. Ouais, on va même pouvoir les tester en boutique, en dur. Je sais pas si t'as vu, mais Meta ouvre une boutique là le 9 mai à Burlingame, en Californie. Donc c'est aussi marrant de voir qu'il croit à son projet au point de créer des boutiques physiques, parce que c'est pas rien quoi de lancer des boutiques en briques et en ciment, comme on dit. Allez, on va parler un petit peu de la préservation vidéoludique, parce que on a eu des propositions sympas de la part de certains acteurs clés dans le domaine du jeu vidéo. Bah, il semblerait que Sony aussi veuille un petit peu tirer son épingle du jeu là-dessus, Guillaume. Ouais. Bah, Sony se lancerait peut-être dans la préservation du jeu vidéo, alors des siens, déjà. C'est ce qu'on peut imaginer suite au recrutement de Gareth Fredley, qui devient ingénieur logiciel chez PlayStation, dans l'équipe de préservation qui vient tout juste d'être créée. Donc, il y a un département. Si tu les mets en contrepartie de certains abonnements du PlayStation Plus. C'est possible. Pardon, c'est possible. Excuse-moi. On n'a aucune info de toute façon, donc on peut très bien imaginer ce genre de truc, ça c'est sûr. On n'a pas d'info officielle, hein, donc on ne s'enflamme pas. Peut-être que ça augure d'un archivage systématique des assets des jeux PlayStation, peut-être que ça sera une remise au goût du jour de plein de jeux qu'on n'a pas vu depuis longtemps aussi. On ne sait pas, peut-être que ça concerne les nouveaux abonnements, comme tu dis. En général, de toute façon, quand les grandes boîtes s'intéressent aux vieux titres, c'est rarement juste de la préservation. C'est souvent un moyen de revendre encore une 18e fois un titre qui a 30 ans. Je fais un procès d'intention à Sony, mais regardez Sega. Un modèle du genre, hein, qui réaccuse en permanence ses vieilles gloires et qui n'hésite pas à nous prendre pour des jambons régulièrement non plus. Dernier exemple en date, tiens, les jeux Sonic, qui sont retirés de presque tous les canaux de vente. Pourquoi donc ? Ben parce que Sega veut que tu achètes Sonic Origins, sa dernière compile, d'encore une fois les mêmes titres, hein, puisqu'il y aura Sonic 1, 2, 3, CD et Knuckles. Une compilation qui coûte tout de même 40 balles pour des jeux vieux de 30 ans. Ben oui, c'est une édition anniversaire. Bon, ben donc c'est l'anniversaire, tu peux bien faire un cadeau à Sonic, c'est son anniversaire. Bon. Donc 40 balles, c'est pour la base, hein, parce que si tu veux le moindre bonus, c'est 45 balles, parce qu'il faut pas déconner non plus. Donc voilà, bon, bah ça, les Sonic, ils sont préservés de l'oubli, ça c'est sûr, ces gars y veillent. Tant mieux, c'est un effet de bord positif, c'est ce qu'on va retenir. Il y a un grand mouvement de rachat de studios, de jeux vidéo, de mouvements comme ça, qui sont assez marquants. Je ne sais pas si l'actualité était aussi chaude avant, mais j'ai quand même l'impression qu'en ce début d'année 2022, il y a de l'actu, il y a du lourd. Et ça continue, alors peut-être pas avec du aussi lourd que ce qu'on a vécu, mais quand même avec des ventes du côté de Square Enix, Guillaume. Oui, alors c'est Embracer Group qui récupère des studios de Square Enix, qui les rachète à Square Enix. Alors, Group, c'est anciennement THQ Nordics. C'est une boîte suédoise qui... Enfin, ils ont plein de filiales et chacune a plein de studios. C'est assez tentaculaire. C'est quand même plus de 12 000 salariés. Donc, ils ont Koch Media, par exemple, Saber Interactive. C'est eux qui éditent, alors voilà, les Saints Row, les Dead Island, les Time Splitter, les Borderlands, mais aussi les Tomb Raider, les... Maintenant, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Donc, eux, ils ont ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont acheté des studios à Square Enix qui leur a vendu donc Eidos, Crystal Dynamics et Square Enix Montréal. Donc, c'est quand même un bon millier de personnes, quand même, et plus de 50 jeux, dont les Tomb Raider, voilà, et les Deus Ex, les Legacy of Kain. Donc, maintenant, ils auront aussi ces jeux-là, en plus de plein d'autres, puisqu'apparemment, il y a une cinquantaine de séries qui ont été vendues complètement. Enfin, voilà, ça fait quand même pas mal. Et pour le coup, 300 millions de dollars pour tout ça. Bah, finalement, déjà, ça impressionne plus personne de nos jours. Mais en plus, ça paraît limite pas si cher que ça, en fait, pour quand même un gros morceau. Et bon, en gros, Square Enix se débarrasse des studios occidentaux qui l'ont globalement déçu, soit en termes de critiques, comme pour Avengers, soit en termes de vente, comme Guardians of the Galaxy. Et c'est pas grave, en fait, hein, c'est même plutôt une bonne chose, peut-être, parce que la direction de Square a pas été très tendre publiquement envers les studios, en particulier Crystal Dynamics, qui ont fait Avengers. Certains ont été un peu rushés, certains jeux ont été un peu rushés, comme Mankind Divided. Square est tellement déçu qu'il aurait même pu être prêt à licencier du monde, tu vois, limite, alors que là, bon, probablement pas. La gestion de Square, c'est peut-être pas la meilleure, finalement, ils mettent manifestement une grosse pression sur la rentabilité. ça sera peut-être différent avec Embracer. Peut-être que voilà, il y a des séries comme Deus Ex qui vont reprendre, ou Legacy of Kain qui vont reprendre, ou même Vif peut-être. En tout cas, voilà, on a déjà vu des studios qui ont été revendus par Square Enix se débrouiller très bien après, hein, parce qu'il y a IO Interactive par exemple, qui vole de succès en succès avec ses Hitman. Et donc en attendant, Square perdra moins d'argent et peut se concentrer sur ses propres licences, hein, qui sont nombreuses et ultra populaires. Enfin, on remarque qu'il y en a besoin, hein, si j'en crois à la catastrophe industrielle que semble être Final Fantasy Origins. Écoute, on va pas le souligner. Tu sais, au passage, il y a Blue Domain là, parce qu'on parle de Legacy of Kain. Je regardais des images. Blue Domain, ça fait partie de ces jeux qui m'ont, de ces rares jeux qui ont pu me marquer. Je me rappelle que je jouais avec ça un copain sur la PlayStation. On adorait ce jeu. Je sais pas, on y a passé, je sais pas combien de temps. Je trouvais ça génial à l'époque. Bon, bah, c'était ma période vampire. On revient un petit peu au sujet des niveaux de difficulté dans un jeu. Guillaume, tu nous avais parlé la semaine dernière du succès qu'avait le mode pour Elden Ring qui permettait de rendre le jeu un poil moins difficile. C'est une idée qui continue à faire son chemin dans d'autres domaines. Eh ben écoute, aujourd'hui même, le jeu Sifu va se faire donc mettre à jour avec en particulier 3 modes de difficulté. Alors le jeu avait pas de mode de difficulté et Sifu, bon ben comment dire, effectivement il avait une difficulté très très très très corsée. Alors déjà le jeu était pas facile. Mais en plus, il a un système de roguelite inversé parce qu'en fait, tu fais des quand tu meurs, tu repars au début, mais bizarrement, tu repars au début plus faible parce que comme tu vieillis au fur et à mesure, bah t'es de moins en moins bon en fait. Donc c'était très très bizarre. Comme moi, j'ai trouvé ça vraiment très très bizarre comme idée. En roguelite, normalement, tu fais des boucles pour être de plus en plus fort. Quand tu fais des boucles, t'es de plus en plus vieux, et de plus en plus pourri. Bon, j'ai vraiment pas compris la logique. Du coup, le jeu est extrêmement difficile à finir, à tel point que bon, ça a frustré apparemment énormément de monde, et que finalement, ben voilà, Noclap fait une mise à jour là-dessus. Alors, c'est pas la dernière mise à jour, mais bon, elle est quand même notable, si tu veux, sur ce truc-là. À mon avis, c'est vraiment ce qu'il y avait de mieux à faire, parce que c'était vraiment bizarre. C'est un jeu de baston, c'est un jeu de baston de kung-fu, en fait, hein, si vous savez pas si fou, c'est un jeu d'arts martiaux. Qui, moi, m'en valent pas du tout, mais j'ai l'impression que j'en entends beaucoup parler. Alors, peut-être que ça intéresse beaucoup les gens, tant mieux. Au passage, je voudrais terminer juste pour un mot, parce que c'est tombé tout à l'heure. Tu sais qu'au passage, Blizzard va sortir donc Diablo Immortal à la fois sur PC et mobile, mais grosso modo, tu pourras continuer ta partie entre ton mobile et ton PC, donc super. Et au passage, là, ils ont annoncé cet après-midi Warcraft Arclight Rumble. C'est un tout nouveau jeu dans le monde de Warcraft, de World of Warcraft et compagnie, sur mobile. Qui a l'air d'être un... C'est quoi, c'est le jeu musical ? Non, pas du tout, c'est plus ambitieux que ça. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. C'est un mix entre un Tower Defense et un... Merde, Clash Royale. Voilà, imagine-toi sur mobile une espèce de mix des deux dans le monde de Warcraft. C'est l'air tout mignon. Je sais pas dans quelle mesure est-ce que ça aura un succès particulier, mais je voulais juste le relayer parce que c'est tombé tout à l'heure. Super, merci beaucoup Guillaume pour ta revue de l'actu de cette semaine dans le monde de la tech. On va te retrouver bien évidemment dans un épisode de Tech Café Weekend que vous retrouverez à partir de vendredi soir, même vendredi matin pour les abonnés sur Patreon. Alors si vous voulez justement vous abonner sur Patreon, le plus simple c'est d'aller sur le site patreon.com/techcafe. Je serais évidemment ravi de voir qu'il y a des nouvelles personnes qui rejoignent et qui répondent à l'appel et qui rejoignent le financement participatif. Mais en attendant, Guillaume, peut-être qu'on peut te retrouver à titre individuel. Et auquel cas, où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume ? Je crois qu'on va me retrouver la tête dans les placards à essayer de retrouver mes vieilles cassettes des années 80. Oh, à ce point-là ! Oh, quel retour en arrière, mon Dieu ! Bon, écoute, Guillaume, peut-être je t'aiderai, en fait. Moi, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur le serveur Discord, dont le lien figure dans les notes de l'épisode, sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch. En fait, vous me retrouvez partout, c'est beaucoup plus simple. Et puis surtout, vous me retrouvez, moi aussi, dans un prochain épisode de Tech Café, que ce soit un épisode Tech Café Weekend ou dans un épisode hebdomadaire. Ciao à toutes et à tous ! Ben oui, de toute façon, le gardien de la galaxie, il a remis les cassettes au bout du jour. Hein. Ah, à ce moment-là. Ouais, c'est cool maintenant la cassette. Non ? Non. Vive les cassettes. Mais si, allez. Allez, ciao à tous.